France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, un personnage de légende, Anna Pavlova, icône de la danse. Quand on demandait à Rudolf Nureyev quel était son danseur préféré, il répondait « C'est une danseuse, Anna Pavlova ». D'elle, morte en 1931 avant même sa naissance, il n'avait vu pourtant que de pauvres petits films tremblotants, mais il avait été bouleversé par la perfection de son art. « Elle parlait avec son corps », disait-il. C'était si émouvant qu'on avait l'impression d'avoir le cœur arraché avec douceur, une sorte de douleur exquise. Le public ne s'y est pas trompé. Dès ses débuts dans les années 1900, Anna Pavlova, première star de la danse, électrise les foules. Le monde entier se l'arrache. Des hommes se suicident pour elle. La créatrice de la mort du cygne ne serait-elle pas un être surnaturel? Elle ne danse pas, elle vole. Mais la Pavlova, c'est aussi l'histoire d'un courage et d'un travail acharné jusqu'à l'épuisement. Celle d'une petite fille pauvre, malingre, qui dans la Russie des tsars, assista un soir à une représentation de la Belle au bois dormant et décida en un instant qu'elle vouerait sa vie à la danse. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Martine Planels, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes journaliste spécialisée dans la danse. Anna Pavlova, vous avez consacré une biographie, une très belle biographie, Anna Pavlova, l'incomparable, et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Alors, comme Rudolf Nureyev, j'imagine que vous n'avez pas vu la Pavlova danser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un ou une artiste de la scène du passé, comme ça, du théâtre, de la musique ou de la danse, conserve un siècle plus tard comme elle une telle notoriété? Elle est unique. Il y aura toujours de très belles danseuses. Il y en a eu de très belles danseuses, mais elle, elle a apporté quelque chose de nouveau par son physique. Elle a un physique extrêmement moderne. Elle est gracile, ce qui à l'époque n'est pas du tout courant, puisque au Mariinsky, ce sont les Italiennes. Le théâtre de Saint-Pétersbourg. Oui, oui. Ce sont les Italiennes qui sont plutôt bien en chair, qui sont très virtuoses, qui sont très acrobatiques, qui sont les reines de la scène. Et elle, elle va complètement casser les codes. Parce qu'elle est, elle a de la technique, mais on ne la voit pas. Elle est éthérée, comme Taglioni, à qui on va la comparer, comme une héroïne romantique. Elle est très moderne, en fait, par sa vie, par sa façon de danser, qui est très naturelle aussi. Elle fait rentrer la ballerine dans la modernité. C'est ça qui est intéressant. Avant de commencer le récit de sa vie, Martine Planels, j'aimerais que, pour bien planter le décor, vous nous rappeliez ce qu'est la danse à la fin du 19e siècle en Russie. Alors, en Russie, à cette époque, c'est Marius Petipa qui est complètement le maître de ballet des théâtres impériaux. Oui, c'est fou, c'est un Français originaire de Marseille, tout à fait. Qui était danseur et qui est devenu maître de ballet en Russie. En fait, il a eu un petit peu moins de chance que son frère Lucien, il est de famille de danseurs, et il est parti en 1847, il est engagé comme premier danseur en Russie. Et ensuite, il va tout de suite être chorégraphe, il va remonter Paquita, qu'il a vu à Paris, et il va devenir maître de ballet à la mort de Saint-Léon, d'Arthur Saint-Léon. Et il va monter des grands ballets complètement, je sais pas, presque hollywoodiens. Balanchine disait que c'était un magicien, c'est un magicien à la fois, si vous voulez, même pour le corps de ballet, il va faire des choses très géométriques, il va y avoir des animaux sur scène, enfin... Donc c'est lui qui crée la danse, enfin pour le ballet impérial. C'est la famille du tsar qui forme l'essentiel, enfin du public. Et la cour. C'est ça. Oui, il amène, si vous voulez, la pureté française, la pureté classique française, la virtuosité italienne et des pas de folklore. C'est ça, la spécificité russe. Oui, voilà, c'est ça, de Marius Petipa. Alors, l'histoire que je vais raconter, donc, commence en 1905, quand Anna Pavlova a 25 ans, mais comment est-elle entrée dans le monde de la danse? Son enfance a quelque chose d'un conte d'Andersen. Oui, elle est très pauvre, sa mère est blanchisseuse, son père, elle dit qu'elle l'a perdu à 2 ans, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a disparu, en fait, on ne sait pas qui c'est, est-ce que c'est un soldat de réserve, ou est-ce que c'est un riche riche banquier Lazare Poliakov, comme on l'a dit. En tout cas, sa mère l'élève seule. Elle l'élève seule. Elle va chez sa grand-mère à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, à Ligovo. Et quand elle voit la belle au bois dormant, elle a 8 ans. C'est sa mère qui lui offre ses places. Oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une femme pauvre, mais en même temps très inspirée, qui veut faire connaître la danse à sa fille. Oui. Vous savez, les Russes aiment beaucoup la danse. Ils l'ont toujours aimée. Vraiment, et c'est un coup de foudre terrible, quoi. Vous parliez de Nureyev tout à l'heure, mais ça va être la même chose, le même cas de figure. C'est en voyant un ballet qu'ils vont prendre conscience de leur vocation. Pour la petite Anna Pavlova, devenir ballerine, c'est réaliser un rêve d'enfant, donc devenir danseuse, mais c'est aussi ne plus avoir faim, ne plus avoir froid, c'est une forme d'ascension sociale, et aussi se séparer de sa mère. Hein. Elle n'a que 10 ans quand elle entre à l'école du ballet. Oui, ça c'est un petit peu la loi, je veux dire, quand on décide d'être danseur, il faut quitter sa famille, quoi, pour rentrer à l'école du ballet impérial. Autre chose très importante dans la danse à cette époque-là, une danseuse au Mariinsky, d'ailleurs comme à l'Opéra de Paris, je pense à la même époque, elle ne peut pas vivre uniquement de la danse, elle doit avoir un protecteur. Donc là, ce sera Victor Dandré, 20 ans de plus qu'elle, il lui offre sinon l'amour, du moins le confort et la sécurité. Ces danseuses sont des femmes entretenues. Alors, c'est vrai, mais dans le cas d'Anna Pavlova, moi, je la défends. Non, mais c'est pas une critique. Non, non, mais c'est vrai, elles ont besoin d'avoir un protecteur. Et puis, c'est évident. Mais dans le cas de Victor Dandré, il faut savoir que ce sera jusqu'à sa mort. Ce sera son compagnon et il va gérer sa carrière, en fait. Il va négocier ses contrats. Anna Pavlova, elle va danser partout grâce à lui. En fait, il va gérer le matériel et elle va pouvoir penser à son art. Martine Planels, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Anna Pavlova, icône de la danse, un texte de vous, Martine Planels, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire, avec Judith Chemla dans le rôle de la Pavlova. Réalisation, Cédric Aussire. On me demande souvent pourquoi je danse. Je danse parce que je dois danser. Je danse parce que le sang qui coule dans mes veines me pousse à danser. Ma vocation a été soudaine, irrévocable. J'étais enfant. Ma mère m'a emmenée au théâtre Mariinsky voir La Belle au bois dormant. En entendant la musique de Tchaïkovski, j'ai su immédiatement que je serais danseuse. La ballerine, celle qui danse seule au milieu de la scène. À 10 ans, je suis entrée à l'école du ballet impérial. Ça a été un vrai déchirement de quitter ma mère. Mais je savais que je devais en passer par là pour accomplir mon destin. J'ai travaillé dur. J'étais si frêle. Et aujourd'hui, même reconnue et adulée ici, à Saint-Pétersbourg, je dois lutter contre mes imperfections. J'en viendrai à bout. Allez, je reprends mon entraînement. Arabesque. Jeter. Il faut que je saute plus haut et débouler. Je n'en peux plus. Mais pour avoir plus d'endurance, je dois recommencer. Encore et encore. Saint-Pétersbourg, 1905. À 24 ans, Anna Pavlova est une grande artiste. Sa reconnaissance, elle la doit à son travail. Elle n'a qu'un objectif, atteindre la perfection. Depuis la coulisse, Marius Ivanovitch Petipa, engoncé dans son vieux plaid à carreaux, ne la quitte pas des yeux. Le maître de ballet qui règne sur le théâtre impérial depuis un demi-siècle lui a fait confiance. Il lui a donné le rôle de Nikia dans La Bayadère, puis le rôle-titre dans Gisèle. Dans la salle bleu et or du Mariinsky, le tsar Nicolas II, l'impératrice Alexandra et tout ce qui compte de tête couronnée sont éblouis. Sans oublier ses admirateurs, les Pavlovski, qui depuis la loge 26 lui lancent des bouquets de fleurs. C'est qu'Anna Pavlova, avec son physique gracile, sa légèreté, son élégance, ne ressemble à aucune autre ballerine. Elle a quelque chose d'indéfinissable, d'aérien, qui touche le cœur des gens. Elle a ce qui ne s'explique pas, le génie. Après les représentations, danseuses et aristocrates vont souper au Kubat, le café à la mode. On s'amuse à Saint-Pétersbourg. Et personne ne semble se rendre compte, après la défaite dans la guerre russo-japonaise, de l'ampleur des protestations sociales et politiques qui montent dans le pays. Jusqu'au théâtre Mariinsky, où Anna Pavlova et le danseur Mikhaïl Fokine prennent une part active à la contestation révolutionnaire. Notre pays est sans dessus-dessous. Ce qui s'est passé le 9 janvier est intolérable. Oui, Micha. J'étais en calèche pour me rendre au théâtre quand j'ai vu les soldats tirer sur le peuple. C'était une manifestation pacifique. Le prêtre Yurij Gapon conduisait les ouvriers au palais d'hiver pour remettre une pétition au tsar. Il y avait des femmes, des enfants, des innocents. Ils chantaient des cantiques. Je les entends encore. Comment le tsar a-t-il pu laisser faire ça? Des manifestants ont été pris pour cible contre la grille du palais d'hiver. Sur les ponts de la Neva, sur l'île Basile, la troupe a tiré. Et ici, le soir, au théâtre, pendant le gala en l'honneur de la danseuse Olga Preobrajenska, les gens criaient « Comment osez-vous danser alors que le sang de vos frères a coulé ?» Peu à peu, c'était incroyable, la salle s'est vidée, tout le monde a fui. Il faut réagir, Anna. Exiger l'autonomie, la liberté de parole, la liberté de la presse. Je n'ai pas peur. S'il le faut, je monterai sur une table pour convaincre les danseurs de la nécessité de faire des réformes. On va faire grève. La situation a été particulièrement tendue au sein du ballet. Les rebelles Pavlova et Fokine ont failli le payer cher. Il a été question de les renvoyer. Mais le théâtre impérial pouvait-il se passer de leur talent? Très vite, ils dansent à nouveau ensemble le pas de deux de l'oiseau bleu dans la Belle au bois dormant. Et Fokine, qui signe ses premières chorégraphies, s'impose comme l'homme de la modernité. 2 ans plus tard, Fokine arrive un jour de bonne heure au studio de danse d'Anna Pavlova. Anna ? Oui ? J'ai quelque chose. Rien que pour toi. Un solo. Regarde. Tu connais cette partition ? Qu'est-ce que c'est ? Un mouvement du Carnaval des animaux, de Saint-Saëns. Celui consacré aux cygnes. Écoute. L'argument est simple, tu es un cygne et tu vas mourir. Oh, un cygne ? Mais pourquoi le faire mourir ? J'aime les cygnes, ils sont beaux et sauvages. Comme toi, belle et sauvageonne. T'as déjà écrit la chorégraphie ? Non, on va la travailler ensemble, tu vas voir. Mets-toi derrière moi et suis-moi. Attends, j'enfile un tutu blanc sur ma tunique. J'en ai pour une seconde. Et voilà, je suis prête. Parfait. Maintenant, imagine. Tu es en coulisses. Le noir est total sur scène et au moment où tu apparais, tu es un cygne. On y va. Tu entres de dos sur les pointes. De dos ? Mais on n'a jamais vu une ballerine entrer de dos sur scène. Et je pense que tu seras à nouveau de dos à un autre moment. Presque immobile. Et en tête, le glissement d'un cygne sur l'eau. Lentement, les bras montent par le côté, les mains frémissent, là, comme ça. Tes bras se plient au-dessus de ta tête. Maintenant, ton corps se plie vers la droite, et en avant, le centre du poids sur la jambe droite, fluide les bras, fluide aussi le corps. Jambe droite en attitude, tes bras volent comme des ailes, ta tête se jette en arrière. Là, le bras droit en avant, comme une prière. Essaie de voler de toutes tes forces et dans une tension extrême. Les pattes bourrées ressemblent à une course. Voilà, on continue, Anna. Cher Micha, en quelques heures, il m'a créé un chef-d'œuvre sur mesure. Je me souviens, j'étais vidée. Après notre séance de travail, j'ai eu si faim que j'ai englouti 5 petits sandwichs au jambon. Je n'oublierai jamais le moment où le 22 décembre 1907, je suis entrée sur la scène du théâtre Mariinsky. Je portais un tutu mi-long de tulle blanc pailleté sur lequel il y avait des plumes de cygne. C'est le peintre Léon Bakst qui l'a dessiné. Un bandeau de plumes enserrait ma tête. Cela ne durait que 3 minutes et quelques secondes. J'entendais le silence du public. C'était impressionnant. Et après, le tonnerre d'applaudissements m'a saisie au point que je m'en serais presque évanouie. Partout dans le monde, dans les grands comme dans les petits théâtres des régions les plus reculées, je l'ai dansé. Des milliers de fois peut-être, mais jamais de la même façon. Je sais que très vite, d'autres ballerines l'ont interprété, mais aucune n'a réussi à y attacher son nom. Le cygne, c'est moi, Anna Pavlova. 2 ans plus tard, en 1909, Diaghilev, l'érudit, passionné d'art et génial organisateur des saisons russes, s'est mis en tête de conquérir Paris avec le ballet. Combatif, doté d'une patience à toute épreuve, il fait tout pour persuader Anna d'être au théâtre du Châtelet dès l'ouverture de la saison. Car Anna hésite entre les ballets russes et une tournée en Europe pour représenter le ballet impérial. D'un côté, l'entreprise de Diaghilev, qui a failli 100 fois être annulée, lui semble hasardeuse. De l'autre, la tournée qu'elle a effectuée l'an passé lui a appris qu'elle était unique. En voyant tous les gens au bas de son hôtel à Stockholm, elle ne comprenait pas pourquoi ils l'acclamaient. C'est sa femme de chambre, une simple paysanne russe, qui lui a ouvert les yeux. « Madame, vous les avez rendus heureux en leur faisant oublier pour une heure la tristesse de leur vie. » C'est elle, Anna Pavlova, qu'ils ovationnaient. Alors, pourquoi faudrait-il qu'elle partage son succès avec d'autres à Paris ? Prenez une chaise, Anna. Asseyez-vous. Merci, Sergueï Pavlovitch, mais je préfère rester debout. Finalement, elle n'est pas si mal que ça, cette salle Catherine. Vous ne trouvez pas ? De toute façon, depuis que le tsar nous a retiré l'autorisation d'utiliser le théâtre de l'Ermitage pour les répétitions, il faut bien s'en contenter. Et comme si cela ne suffisait pas, la mort du grand-duc Vladimir Alexandrovitch nous prive de notre protecteur. Rien n'est facile pour notre projet de ballet russe. Je le reconnais. Mais croyez-moi, j'ai des appuis à Paris. L'entreprise est incertaine et il faut beaucoup d'argent. Et vous avez eu des coups durs, en effet. Anna, je vous répète mot pour mot ce que j'ai dit à Gabriel Astruc, l'homme d'affaires qui est notre impresario là-bas. Pavlova, je la considère comme la première ballerine du monde. Elle excelle dans l'art classique comme dans les pas de caractère. Elle ne danse pas, elle vole. Oui, je sais. Et vous lui avez aussi présenté Nijinsky, notre Vaslav, comme un prodige. J'ai convaincu Astruc. Il veut que Fokine, Nijinsky et Pavlova viennent à Paris. Vous entendez ? Il faut vraiment que vous soyez présente dès le début de la saison au Châtelet. Je ne peux pas, je serai en tournée. Renoncez à Vienne. C'est impossible. Restez moins longtemps à Berlin. Je vous dis que c'est impossible, Sergueï Pavlovitch. Je ne peux pas être à Paris avant la fin du mois de mai. Réfléchissez, voyons. Que penseront les Parisiens en vous voyant sur l'immense affiche placardée sur toutes les colonnes Maurice de la ville ? C'est vous qui êtes peinte, là, en arabesque, dans les sylphides. C'est vous qui annoncez la venue des ballets russes. C'est vous qu'ils attendent, Anna Pavlova, rendez-vous compte. Quelle déception pour eux si vous ne participez pas à la première. Sergueï Pavlovitch, laissez-moi d'abord finir ma tournée et après, c'est promis, je serai à Paris le 2 juin sur la scène du Châtelet pour danser les sylphides. Pavlova n'en démord pas. Elle rejoint la troupe des ballets russes, mais en retard. Ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que Nijinsky et Tamara Karsavina ont mis en quelques jours le tout Paris à leurs pieds. Ils sont devenus le dieu de la danse et la Karsavina. Heureusement, la presse salue son arrivée et la célèbre à son tour. Dans les sylphides, elle est si légère qu'elle semble filer entre les doigts de Nijinsky. La saison des ballets russes est une véritable révolution. On parle d'un miracle. La peinture, la musique, les danseurs, tout suscite l'étonnement et l'admiration des spectateurs. Diaghilev a réussi son pari. Mais Pavlova regrette sans doute que le succès ne lui revienne pas à elle seule. 2 mois plus tard, De retour au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, elle répète Gisèle avec Nijinsky. C'est un événement attendu avec fébrilité. Pendant une pause, elle retrouve la sœur de Nijinsky, la danseuse Bronislava Nijinska, dont elle est très proche. Paris, les jours heureux des ballets russes, tout cela paraît déjà loin. Je me console, Anna, en te voyant travailler avec Vaslav. Quelle chance pour nous tous de contempler deux génies de la danse. Au deuxième acte, tu es tellement éthérée. On pleure tous. Gisèle, c'est mon rôle fétiche. J'ai eu de la chance de le travailler avec Petit Pain. Je lui dois tellement, tu sais. Surtout pour la scène de la folie. Je l'entends encore me dire « ma belle, ouvre ta tête et réfléchis. Réfléchis beaucoup avant et après la leçon. » Il me manque. Toi, Bronia et Vassia, vous êtes plus jeunes, vous n'avez pas été formés par Petit Pain. Petit Pain a été un grand maître, c'est vrai, mais il appartient déjà au passé. C'est Fokine, le chorégraphe d'aujourd'hui, c'est lui maintenant qui révolutionne la danse. Il donne du sens au pas, des sentiments, des états d'âme. La vérité du geste, c'est son credo. Et puis bien sûr, Diaghilev et les ballets russes, voilà l'avenir. Mais j'admire Fokine autant que toi, mais l'avenir, je sais pas. Est-ce à cause de Gisèle? Je me sens mélancolique. N'oublie pas, Bronia, je suis née à Saint-Pétersbourg un jour où il pleuvait. Il pleut beaucoup à Saint-Pétersbourg. Toute la ville est imprégnée de cette tristesse qui est profondément ancrée en moi. Anouchka, arrête. Tu n'es pas que mélancolie. Tu es aussi espiègle, quand tu le veux. À l'école impériale, tout le monde riait quand tu imitais les professeurs. Tes histoires, on les connaît par cœur. Les élèves se les ont transmises d'une génération à l'autre. Jusqu'aux mimiques que tu faisais quand tu te gavais d'huile de foie de morue pour grossir. Oh, mais regarde, ça n'a servi à rien, regarde-moi. J'ai pas réussi à prendre du poids. Ne regrette pas. Ta minceur, ta ligne, c'est ce qui fait ton charme. Anna, tu sais bien que je t'admire et que je resterai toujours ton amie. Les deux danseuses ont beau avoir 10 ans d'écart, elles s'entendent bien. Et quand le bruit commence à courir que Pavlova ne dansera pas Gisèle avec Nijinsky, Bronislava veut en avoir le cœur net. Un soir après le spectacle, elle vient dans la loge d'Anna, dont elle connaît la franchise, pour lui demander des explications. Anna, c'est moi. Entre, Bronia. Regarde, pousse un peu toutes ces affaires, là. Fais-toi une place sur le canapé. Je finis de me démaquiller. Oh. Anna, je voudrais comprendre. Que se passe-t-il avec Vaslav? Tu ne veux plus danser Gisèle avec lui? Ah, t'es au courant? Bronia, j'aime Vassia, tu le sais. J'ai pas envie qu'on acclame Nijinsky plus que moi sur la scène du Mariinsky. Je suis prima ballerina, j'ai mes admirateurs. Je veux que le public vienne voir Pavlova, et elle seule. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Nijinsky et toi, vous êtes deux monstres sacrés. C'est ensemble que vous touchez au sublime. Pourquoi chercher ailleurs? Est-ce que cela veut dire aussi que tu ne participeras pas à la deuxième saison des ballets russes? Mais que va dire Diaghilev, qui est en train d'arrêter les programmes de la prochaine saison? À toi, Bronia, je peux le confier. Ce n'est pas seulement à cause de Vaslav. J'ai soif de liberté, d'aventure. J'aspire à être indépendante. Mon rêve est de partir. Pour ne pas participer à la saison des ballets russes, où elle devait danser l'oiseau de feu avec Nijinsky, Pavlova prétexte auprès de Diaghilev qu'elle n'aime pas la musique de Stravinsky. Une fois la situation réglée, elle peut, en ce début d'année 1910, partir comme elle le projetait aux États-Unis. Les Américains sont subjugués. Ils applaudissent Coppelia à tout rompre. C'est aussi en 1910 que son protecteur et impresario, Victor Dandré, négocie un contrat au Théâtre Palace, à Londres, un music hall qui propose des numéros populaires. Comment elle, la ballerine idéale de Saint-Pétersbourg, peut-elle accepter de danser dans un lieu pareil? Les critiques fusent. Diaghilev, qui l'a invité au bar de l'hôtel Savoy à Londres, ne se prive pas de le lui reprocher. Qu'est-ce que vous allez prendre, Anna? Du thé. Et du champagne? Pas pour moi. De la marmelade d'orange et de la confiture de framboise, comme d'habitude. Il n'y a que vous pour mettre de la confiture dans sa tasse de thé. Vous savez, Anna, ça me fait mal de vous voir vous produire au palace. Entre un illusionniste et un obscur comédien venant d'Australie. Croyez-vous que ce soit vraiment votre place ? Sergueï Pavlovitch, je respecte autant le public populaire que les rois et les reines. Je veux danser partout, et pour tout le monde. Le but d'un artiste est d'aller toujours plus haut dans son art. Je voudrais que vous compreniez l'importance d'un travail de création exigeant. Or, vous ne présentez que des divertissements. Et alors ? Mes pièces sont courtes, mais elles sont de qualité. Et je ne vous apprendrai rien. Le public anglais n'a pas une culture du ballet comme les Russes. Un spectacle ici à Londres où il n'y aurait que des ballets, ce serait un fiasco. Avouez-le. Le music hall offre aussi des avantages financiers. Je me demande si ce n'est pas d'André qui vous pousse à sacrifier votre art pour de l'argent. Et en quoi l'argent m'empêcherait-il d'être une grande artiste ? Attention, Anna, à ne pas vous détruire. Mais je n'ai pas l'intention de me détruire si je suis là en face de vous. C'est justement pour accepter de danser avec Nijinsky et les ballets russes. Vraiment ? Avec Nijinsky ? Je croyais que vous ne vouliez pas partager les applaudissements avec lui. À vous, Sergueï Pavlovitch, je peux l'avouer. Nijinsky est le seul danseur qui me fascine. Alors c'est parfait. Vous parliez justement de rois et de reines. Les célébrations à l'occasion du couronnement du roi George tombent à pic. Artiste invité pour danser Gisèle en octobre à Covent Garden avec Nijinsky. Ça vous va ? Et dans Cléopâtre, je tiens à vous préciser que je ne veux pas danser Tahor. Comment ? Mais c'est un rôle dramatique dans lequel vous avez excellé. Non, mais laissez-moi interpréter l'esclave avec Nijinsky. Eh bien... C'est ce que dansait Karsavina à Paris en 1909. Un si petit rôle pour vous ? Mais peu importe que ce soit un petit rôle. Ce que je veux, c'est être au plus près de Nijinsky. Puisque c'est ce que vous voulez. Mais vous m'étonnerez toujours. Garçon, du champagne. Allez, fais-t'on cela. Pourtant, le partenariat Pavlova-Nijinsky ne dure pas. Après Londres en 1911, ils ne danseront plus jamais ensemble. Pavlova prend de plus en plus son indépendance. En 1913, elle fait ses adieux au théâtre Mariinsky dans le rôle de Nikia de la Bayadère. Avec un petit groupe de danseurs, elle revient en Russie en juin 1914. À Pavlovsk, à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg, elle donne sa dernière représentation en Russie. Elle quitte son pays sans se douter que c'est pour toujours. La guerre éclate. C'est un drame qui la bouleverse. Elle se réfugie à Londres dans sa maison d'Ivy House. Elle a eu le coup de foudre pour l'immense jardin avec son bassin où se baignent ses cygnes, Jack et Clara. Le vaste hall d'entrée lui sert de studio. C'est là qu'elle accueille ses élèves qui suivent son enseignement et espèrent faire un jour partie de sa compagnie. Bonjour petite, comment t'appelles-tu ? Muriel Stuart. Quel âge as-tu ? 10 ans, madame. 10 ans ? C'est l'âge que j'avais quand je suis entrée à l'école du ballet impérial de Saint-Pétersbourg. Et tu veux être danseuse, Muriel ? Oh oui, madame. Depuis que je vous ai vue dans le cygne au palace, je ne pense qu'à ça. Mets-toi en face de moi. Tends ta pointe. Bien. Fais un port de bras et un pas de valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, bien. Je te prends comme élève, si tes parents sont d'accord. Tu t'en sens capable ? Oh oui, madame. Je danse déjà en rêve la nuit quand je dors. Alors tu es sur la bonne voie. Madame, je voudrais savoir aussi, est-ce que vous allez changer mon nom ? Pourquoi dis-tu cela ? Pour que je sois russe, comme toutes les grandes danseuses. Ne t'inquiète pas, ton nom sonne très bien en anglais et tu pourras le garder. Muriel Stuart, c'est un joli nom de théâtre. Et d'ailleurs, prépare-toi à aller sur scène bientôt. Si tu travailles bien, tu seras une fleur dans un ballet qui s'appelle « La naissance du papillon ». Une fleur ? Madame, c'est le plus beau jour de ma vie. Ces enfants à qui j'ai enseigné la danse sont devenus les miens. Et ils me rappellent ma propre enfance. Aujourd'hui, on parle de la grande Pavlova. On donne mon nom à des fleurs, à un parfum et même à un gâteau. Pourtant, je ne peux pas oublier ce que j'ai été. La petite Pavlova, qui vivait dans la pauvreté et était ignorée à Saint-Pétersbourg. Ma mère s'échinait dans son travail de blanchisseuse. Qui s'est rendu compte que la petite fille maigre, fragile, nerveuse que j'étais, s'exerçait 16 heures par jour, luttant de toutes ses forces pour se faire connaître et poursuivre sans faiblir son idéal. Devenir une grande ballerine. Pendant les années de guerre, le cœur d'Anna Pavlova saigne pour ceux qui se battent. Elle se désole de ne pouvoir rien faire, elle ne peut offrir que son art. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses danseurs, elle parcourt l'Amérique. En 1915, elle tourne à Hollywood. Ce sont des années éprouvantes où, avec sa compagnie, elle sillonne l'Amérique du Sud dans d'interminables voyages souvent périlleux et danse sur toutes les scènes de théâtre, même les plus précaires. C'est au cours de cette tournée qu'elle apprend les événements qui secouent la Russie. La révolution de février 1917, l'abdication du tsar, la lutte des soviets pour prendre le pouvoir. Après des années d'absence, la compagnie revient enfin en Europe. Pavlova retrouve Londres. Mais Paris et le théâtre des Champs-Élysées ne sont jamais loin. C'est au cours de l'un de ses déplacements dans la capitale qu'elle rencontre en 1920 le peintre Alexandre Yakovlev. Ne bouge pas. Je ne peux pas dessiner ton visage si tu changes sans cesse d'expression comme ça. On m'a beaucoup peinte, Yako. Que penses-tu apporter de plus avec ce portrait? La mélancolie russe, le regard intérieur, le front bombé et intelligent, le menton pointu et volontaire, le long cou, toi. Fragile et forte à la fois. Je peux voir? Attends, j'ai pas encore fini. Et moi, je peux te décrire à mon tour? Et comment me vois-tu? Ne te moque pas. Tu es un homme séduisant, Yako. Et tu le sais. Avec ton visage long et mince, ta courte barbe noire, tes yeux vifs et perçants... Et quand tu ris comme maintenant, je vois tes dents de loup. Un loup? Vraiment? Mais non. Mon visage n'est certainement pas aussi changeant que le tien. Voilà, j'ai terminé. Il me semble quand même avoir réussi à saisir ce que tu es. Regarde. Je ne me suis jamais vue comme cela. Comment as-tu fait? Et si vite? La rapidité, c'est ma marque de fabrique. Pour le reste, un portrait à la sanguine, le plus simple. Le plus simple, oui, peut-être, mais c'est moi. Pavlova et Yakovlev se sont rencontrés grâce au prince Youssoupov, qui s'est rendu célèbre pour avoir assassiné Raspoutine en 1916. Chez lui, il reçoit tout ce que Paris compte d'exilés russes. Il a demandé à Yakovlev de décorer le petit théâtre qu'il a fait construire dans sa propriété de Boulogne-Billancourt. Parmi les figures allégoriques des Beaux-Arts, le peintre a représenté la danse sous les traits de Pavlova. De son côté, la princesse Maria Ruspoli de Gramont, qui vient d'acquérir un château en Italie, sollicite également Alexandre Yakovlev. Elle le charge de peindre son petit théâtre. À l'été 1921, cette commande permet à Pavlova et à Yakovlev, qui est marié, de vivre leur amour en toute liberté. La vue sur la vallée du Styrone et les Apennins d'un côté et de l'autre la plaine du Pô, une des plus belles choses qui soient. Et ce silence, il me rappelle celui de la campagne près de Saint-Pétersbourg. J'aime la nature. Ces herbes aromatiques, quel parfum. Ça semble plaire à Poppy. Ici, c'est le bout du monde. Mais nous sommes incorrigibles. Nous y amenons notre passion pour le théâtre. Et comment comptes-tu décorer le Teatrino? Tel que je te connais, toi qui as parcouru l'Extrême-Orient, tu vas y mettre de l'exotisme. Je pense à un Chinois devant une pagode, à un Africain portant un perroquet dans la main, à des personnages de la Commedia dell'arte, et à toi. Yako, nous avons l'un et l'autre 39 ans et nous sommes ici tous les deux. Comme si nous en avions à peine 20, presque insouciants. Insouciant en apparence. La révolution russe a éclaté quand j'étais à Pékin. Ma femme, Bella, est en Russie. La vie n'est pas si simple. Profitons du moment présent. Parfois, je me dis que j'aimerais changer de vie. Avoir une maison en Italie, sur le lac de Côme. Je m'occuperais des fleurs, je cuisinerais des plats russes. Et peut-être avoir un enfant. Tu veux dire t'arrêter de danser ? Anna, comment peux-tu croire à ce que tu dis ? Tu ne pourras jamais t'arrêter. Et moi, qui ne peux pas retourner en Russie, je suis devenu un voyageur infatigable, toujours en quête d'un travail. Qui sait où je serai demain ? Poppy, qu'est-ce qu'il y a ? Encore un photographe. Tu crois qu'il vient pour moi ou pour toi ? Des photos de moi, il y en a des centaines et des centaines. Elle raconte ma vie de danseuse. Ma vie privée, c'est mon secret. Mes souvenirs m'appartiennent. Au château de Vigoleno, ce photographe italien surgi à l'improviste a su saisir mon bonheur. Il nous a pris sur le vif, tel qu'on était. Yako en Marcel avec un bob sur la tête et moi en salopette et blouse blanche. J'aime beaucoup ces photos. Ma préférée est celle où nous sommes dans l'embrasure d'une fenêtre, en haut d'une tour. Nos jambes pendent dans le vide. On n'a peur de rien. On est amoureux. La liaison entre Alexandre Yakovlev et Anna Pavlova a duré 9 ans par intermittence. Entre les tournées de la danseuse et les itinérances de Yakovlev, ils n'ont pas vraiment de temps à eux, sauf pendant l'été où ils se retrouvent au château en Italie. Cette passion est à la fois très forte et frustrante pour Pavlova, qui aurait rêvé d'une relation stable. Mais on ne retient pas Yakovlev, déjà en train de préparer une nouvelle expédition. Et elle, Pavlova, est vouée à la danse. En mai 1930, elle interprète Gisèle au Théâtre des Champs-Élysées. Quand elle apprend que sa vieille amie, Bronislava, elle aussi en exil, y fait répéter les danses d'un opéra, elle s'empresse d'y assister. Assise dans la salle à côté d'elle, Bronislava allume une cigarette pendant une pause. Tu fumes toujours autant. Cela m'aide quand je travaille. Avec la musique de Glinka, le poème de Pouchkine, ta chorégraphie, j'ai l'impression d'être dans un coin de notre chère Russie. Tu as des nouvelles de là-bas ? Nos danseurs ont toujours autant de talent, mais ils ne sont protégés que s'ils adhèrent au régime. Le gouvernement soviétique n'accepte plus les aides que j'envoie aux danseurs. Pour eux, je suis un symbole de la vieille Russie impériale, une ennemie du peuple. Comme si toi et moi, nous n'étions pas des enfants du peuple. J'aimerais tellement y retourner danser, y créer une école. Tout est si difficile en Russie maintenant. Pensons à notre travail. Que penses-tu de ma compagnie ? On reconnaît ta patte. Regarde mes danseuses. Tu les diriges si bien. J'espère que les Parisiens vont accueillir ta création avec plus d'enthousiasme que ma Gisèle. La représentation d'hier soir n'a rapporté que 10 000 francs. 8 fois moins que l'année dernière. Les Parisiens ne m'aiment plus. Les Parisiens t'aiment toujours autant, Anouchka. Mais Gisèle leur parle peut-être moins aujourd'hui. Le public est versatile. Mais Gisèle, quand même. Ce joyau du ballet romantique créé à l'Opéra de Paris. Il n'y a rien à enlever dans ce ballet. Il est parfait. Tu n'y es pour rien. Mon opinion, tu la connais. Tu es la plus belle des danseuses. L'incomparable. Qu'est-ce que t'as ? T'es bien pâle tout à coup. Oh, mon genou gauche me lâche. Tu as mal ? J'ai essayé tous les traitements, rien n'y fait. Il n'y a que le repos. Inutile d'en parler, c'est impossible. La compagnie ne peut pas vivre sans moi. À l'automne, on a une tournée en Angleterre. Ne t'en fais pas, Bronia. La danse me maintient en vie. Anna Pavlova ne se plaint pas, malgré son genou qui la fait de plus en plus souffrir. Elle est épuisée, mais ne veut pas renoncer à danser. En cet été 1930, il n'y a que dans sa propriété d'Ivy House à Londres qu'elle peut se reposer. Elle l'ignore, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Ici, je suis au calme. Avec mes signes, Jack et Clara. J'oublie d'André qui, à l'intérieur de la maison, organise les prochaines tournées. Il aligne les pays comme un stratège militaire. Il prévoit une nouvelle tournée en Amérique. L'Amérique. Je l'ai parcourue de long en large. Je suis allée au bout du monde. En Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Asie. La réalité a dépassé mes rêves. J'ai été une missionnaire de mon art. Ce qui me touchait le plus, c'était ces queues interminables de gens devant les théâtres qui voulaient assister à mes spectacles. Ils n'avaient jamais vu un ballet de leur vie. Le public, je lui ai tout donné. Et quand je ne danserai plus, j'ai l'espoir que le souvenir de ma danse restera vivant dans la mémoire du monde. Anna Pavlova, icône de la danse, de Martine Planels, avec Anna Pavlova, Judith Chemla, Sergueï Pavlovitch Diaghilev, Alexandre Pavlov de la Comédie Française, Bronislava Nijinska, Clémentine Ossour, Mikhaïl Fokin, Louis Berthélémy, Alexandre Yakovlev, Sava Lovov, Muriel Stewart, Corinne Martin. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Titouan Labarre, assistante à la réalisation Émilie Jocquiel, réalisation Cédric Aussir. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Audrey Ripouille, assisté de Frédéric Martin, programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Raphaël Rousseau. Martine Planels, nous avons donc quitté Anna Pavlova durant l'été 1930. Elle est dans sa maison d'Ivy House à Londres, son havre de paix. Elle ne le sait pas, elle n'a plus que quelques mois à vivre. Comment va-t-elle mourir d'épuisement ? Elle va d'abord aller faire une tournée en Angleterre, et puis ensuite elle va partir dans le sud de la France pour faire un traitement pour son genou. Et en revenant sur Paris, elle va prendre le train et à la hauteur de Dijon, le train va heurter un convoi. Et elle est obligée de sortir et marcher dans le froid. Voilà, tous les voyageurs, d'après ce que j'ai compris. Elle prend froid. Ouais. Elle est épuisée et elle attrape une pleurésie. Et c'est d'une pleurésie qu'elle va mourir. Elle va arriver à La Haye complètement. En Hollande. Voilà. Avant de mourir, elle demande son costume de la mort du cygne. Oui, elle demande son costume de la mort du cygne. Et... elle va, avec ses mains, on dit qu'elle va le danser encore. Voilà. Oui, juste avec ses bras, on disait qu'ils étaient si beaux. Elle dansait pas seulement avec ses jambes, mais avec ses bras, ses mains. C'est ça, avec tout son corps, vraiment, elle parle avec son corps. Ouais, donc elle meurt dans la nuit du 22 au 23 janvier 1931, et on dit qu'après sa mort, dans un théâtre... je ne sais pas si c'était à Londres ou à Saint-Pétersbourg, les violons de l'orchestre ont joué la musique de la mort du cygne devant une scène vide, avec comme seul éclairage un projecteur, donc ça devait être sublime comme vision. Oui, et il paraîtrait que tout le monde était debout. Alors de la danse d'Anna Pavlova, Martine Planels, il reste quelques films, heureusement, qu'on peut regarder. Bon, c'est des films de pas bonne qualité, évidemment. C'est vrai. C'est très tremblotant, c'est en noir et blanc. Mais qu'est-ce que ces filles nous disent, malgré tout, d'elle, de son art ? Parce que Nourieff, je l'ai dit, c'est ça qui l'avait marqué, de voir ces films. Ils disent qu'elle ne triche pas. Elle donne tout, quoi. Et qu'elle est finalement assez moderne. C'est ce que me disait une danseuse, Elisabeth Morin, qui disait qu'en regardant ce film de la mort du cygne, elle est très moderne et très émouvante. En fait, c'est ça. Elle continue de l'être, même dans des petits extraits comme ça. Et je crois que ça peut toucher tout le monde. D'ailleurs, les danseuses y font toujours référence. Les danseurs y font référence par son travail acharné, par sa volonté. C'est aussi cet art de ne pas montrer le travail. C'est exactement ça. C'est beaucoup de travail et on ne voit pas la technique. D'Anna Pavlova, il reste un seul témoignage de sa voix, un témoignage très bref, dans un film anglais des années 20. On la voit dans le jardin de sa maison d'Ivy House à Londres, un journaliste nous la présente. Elle marche autour du bassin, très gracieuse, dans une robe blanche, et elle se penche à un moment pour donner des bouts de pain à Jack et Clara, ses signes. The name of Anna Pavlova will always be associated with swans, and the figure of that regal snow-white bird will be her eternal symbol. At home, in her garden at Ivy House, you will hear her speaking to her own swan. This is the only sound record of her voice in existence. C'est donc l'unique témoignage de la voix d'Anna Pavlova, donc elle parle à ses signes. En termes artistiques, quand on regarde l'ensemble de la carrière d'Anna Pavlova, est-ce qu'on peut dire que la Pavlova était une danseuse classique avant tout? Vous avez dit qu'elle était moderne, Martine Planels, mais elle est quand même une défenseuse de la danse classique russe, enfin voilà, d'une certaine tradition quand même. Tout à fait, elle est dans la tradition. Simplement, elle va la libérer. Elle va les libérer. Alors, on lui a beaucoup reproché, vous savez, de faire des petits divertissements. Enfin, mais c'est sa personnalité, je crois. C'est ce qui restera parce que elle a parcouru le monde dans des conditions qu'on a de peine à oui, en Amérique imaginer du aujourd'hui. Sud, en 1920, ça devait être quand y a même pas d'avion. Une aventure. Oui. C'est toujours des trains, mais c'est épuisant, des bateaux. Elle a parcouru la Terre, c'est impressionnant. En plus, si vous voulez, elle a une curiosité incroyable pour toutes les danses. Partout où elle va aller, elle va les apprendre. Au Japon, au Mexique. Elle s'intéresse à tout ce qu'elle voit, oui. Et en même temps, elle refuse un peu cette modernité de Diaghilev, enfin de Stravinsky. Elle veut pas danser l'oiseau de feu parce qu'elle trouve ça trop moderne. Enfin, il y a quelque chose chez elle d'un peu aussi d'une diva, peut-être pas capricieuse, mais enfin, elle a envie aussi de garder toute la gloire sur elle. Elle veut pas partager. Enfin, elle a comme un peu un comportement de diva. C'est ça. Elle est indépendante, très indépendante. Mais je pense qu'elle n'aurait pas pu être dans la compagnie. Diaghilev, vous savez, lui a redemandé, il voulait absolument qu'elle revienne au ballet russe. Mais je crois que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas attraper, quoi, qu'on ne peut pas attacher. C'est quand même étonnant qu'elle renonce au ballet impérial de Saint-Pétersbourg et elle va créer sa compagnie et donc elle, comme vous l'avez dit, elle parcourt le monde. Enfin, qu'est-ce qui la motive? Enfin, c'est son indépendance, c'est gagner de l'argent, c'est faire connaître la danse classique au plus c'est humble. Ça, c'est exactement ça. C'est vraiment faire partager son art et que tout le monde connaisse la danse. Et elle voulait absolument que tout le monde voit ces spectacles, parce que elle disait, il y a peut-être une petite fille qui va, chez qui ça va susciter la vocation, vous voyez, elle voulait vraiment faire partager ce qu'elle aimait, quoi, sa passion. Comment a-t-elle vécu la révolution 1917? Elle est obligée finalement, elle ne peut pas revenir dans son pays après l'instauration du régime. D'abord, elle a sa compagnie, elle l'a fait tourner, donc elle ne peut pas quitter sa compagnie qui ne tient que sur son nom. Et puis, sa mère est en Russie. Elle le vit très mal. Elle vivra l'exil toujours avec... Elle a pensé même, elle disait « J'aimerais bien pouvoir monter une école, retourner en Russie. » Ça a été un peu le rêve de tout le monde, hein. Même de Fokine et de rester en Russie et de Nijinska. Mais on ne les laissait pas sortir pour aller danser ailleurs. Ils étaient les représentants d'un monde, ouais. Le monde d'avant. La danse, on lui dit toujours, est une affaire de transmission. Anna Pavlova a été formée par Marius Petipa, elle a été influencée par Fokine, on l'a entendu, pour le chorégraphe de La Mort du Cygne, et par Diaghilev aussi. Elle a elle-même formé des danseurs, elle a influencé Nureyev, on l'a entendu. Mais qu'est-ce que l'art de la danse aujourd'hui doit à Anna Pavlova? La perfection. Le symbole qu'il ne faut pas se décourager, Elle reste une référence. Oui, une référence, complètement. Elle est très belle. Elle reste la ballerine absolue, quoi. L'image de la ballerine absolue et l'envie de danser. Marius Petipa disait, on a entendu à Anna Pavlova, ouvre ta tête et réfléchis beaucoup avant et après la leçon. Donc la danse, c'est des mouvements, c'est des muscles, c'est du travail physique, mais c'est aussi de la pensée. Ah ben oui, c'est impossible, ça peut pas être mécanique. Si c'est mécanique, c'est rien. C'est de l'acrobatie. C'est vraiment le corps qui pense, quoi. Merci beaucoup Martine Planels. Votre biographie Anna Pavlova, l'incomparable, a été publiée en 2023 aux éditions Grémez. À lire également de vous le portrait d'une autre grande danseuse et devenir immortelle, Yvette Chauviret, étoile de l'opéra, aux éditions des Petites Moustaches en 2021. Et à lire également une BD de Marie et Olivier Malcura, Anna Pavlova, danseuse étoile, éditée en 2023 chez Plein Vent. C'est la fin pour aujourd'hui d'Autant en emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur le site radiofrance.fr où vos commentaires, comme toujours, sont attendus avec impatience, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au XVIIe siècle dans les Caraïbes en compagnie d'un aventurier anglais, Henry Pitman, condamné pour rébellion, réduit en esclavage dans les plantations de canne à sucre de la Barbade. Pitman réussit à s'évader et échoue sur une île déserte, battue par les flots et écrasée de soleil. C'est son incroyable aventure qui inspirera l'écrivain Daniel Defoe. Henry Pitman, le vrai Robinson Crusoe, c'est dimanche prochain à 21h sur France Inter.